dans mon cœur, comme tu me secoues, chacun de tes coups fait monter ma peur. Tu entends mon cœur, comme tu me secoues, chacun de tes coups fait monter ma peur. Être deux sur la route, la lune sur vos pas, quand chaque pas vous coûte, quand vous dites tout bas. Elle est belle, mon Dieu, comme au musée les marbres. Je jure au prochain arbre de me jeter au feu. L'arbre est déjà loin, la lune sereine, c'est elle qui me gêne, c'est comme un témoin. Tu entends mon cœur comme tu me secoues, chacun de tes coups fait monter ma peur. Les amours débutantes nous laissent embarrasser. Cette ultime passante, quand elle sera passée, alors je dirai tout. Le bonheur est farouche, contre son cœur ma bouche. Mais demain sur ses joues, la passante est loin, c'est éteint son pas. Je suis dans mon coin, elle ne m'aide pas. Tu entends mon cœur comme tu me secoues, chacun de tes coups fait monter ma peur. C'est le premier baptême, et pour dire je t'aime, on se retient longtemps. Ça n'arrive qu'à 15 ans. Tu entends mon cœur comme tu me secoues, chacun de tes coups fait monter ma peur. Tu entends mon cœur comme tu me secoues, chacun de tes coups fait monter ma peur.